Ah, jolie, jolie, jolie, jolie, pensons où la vie est jolie, et encore plus fort ton l'amour. Ah, jolie, jolie, jolie, jolie, pensons où la vie est jolie, et encore plus fort ton l'amour. Joli, joli.